Baliho. François Akimana assure la mise en onde. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Chacun devrait respecter la loi pour barrer le chemin qui mène vers la prison. C'est ce que dit Prosper Bazombanza, vice-président de la République. C'était à Rumonge ce mardi lors de la journée dédiée aux personnes détenues. On en parle dans cette édition. Les occupants du quartier Sokartia en zone urbaine de Kamenge sont en train de déménager pour tenter de respecter la mesure du ministre ayant en charge les infrastructures. Ils ont jusqu'à ce mercredi. Le même ministre Dieudonné Dukundane interdit la construction des maisons dans des parcelles situées près de la station d'épuration des eaux usées de Buterere. Vous l'entendrez dans ce journal. Il était en train de répondre aux questions des sénateurs à Gitega ce mardi. Le ministre ayant en charge l'intérieur et le développement communautaire a procédé à la suspension de 3 administrateurs communaux ce lundi, 4 au total avec ce seul mois d'août. De Rep Ingabire nous fera le point de ce que dit la loi communale en matière de suspension ou destitution d'un administrateur communal. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bienvenue encore. Plus de 1 600 milliards de francs burundais ont été collectés par le ministère des Finances au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023, au moment où plus de 1 300 milliards avaient été collectés pour l'exercice précédent 2021-2022. Annonce du ministre des Finances, Audace Nyonzima, c'était ce mardi lors de la présentation des réalisations annuelles de l'exercice 2022-2023. Le ministre Nyonzima renseigne en outre que plus de 290 millions de dollars américains ont été encaissés de la part des partenaires du Burundi durant la même période. Suivez-le. Au cours de l'exercice 2022-2023, les différents départements de l'administration centrale et les institutions sous tutelle du ministère ont chacun, en ce qui le concerne, apporté leur contribution à la réalisation de ces missions. Ainsi, les réalisations suivantes sont enregistrées au cours de l'exercice 2022-2023. Au niveau de la mobilisation des ressources financières, les ressources financières mobilisées au cours de cet exercice comprennent dans les ressources intérieures et les ressources extérieures. Dans le cadre de la mobilisation des ressources intérieures, le ministère, à travers l'Office burundais des recettes, a collecté des recettes intérieures qui s'élèvent à 1 636 milliards de BIF, alors que les réalisations de l'exercice précédent s'élevaient à 1 352 milliards, soit une augmentation de 284 milliards d'un exercice à l'autre. Au niveau des ressources extérieures, avec la reprise de la coopération, le montant des dons, projets de développement et mobilisés s'élève à 299 991 358 dollars américains, alors que les ressources extérieures mobilisées en termes de dons et projets au cours de l'exercice précédent s'élevaient seulement à 20 millions 876 658 dollars américains, soit un accroissement d'une année à l'autre ou d'un exercice à l'autre de 279 millions de dollars et 114 700 dollars américains. De plus, le gouvernement du Burundi a conduit des négociations avec le Fonds monétaire international qui ont conduit à une facilité élargie de crédit d'un montant de 261 millions de dollars américains décaissables en tranches sur 38 mensualités. Et ce crédit a été approuvé le 17 juillet 2023 et dont une tranche a déjà été décaissée le 19 juillet 2023. Poursuivons avec ce journal. Des occupants qui restent encore au quartier Sokarti de la zone urbaine de Kamenge disent n'avoir pas eu de moyens de se construire des logements dans le site de Maramza, une localité que le gouvernement leur a accordée. À la veille de la date butoir, les fenêtres et portes de certaines maisons ont été enlevées. Ceux qui y restent encore se préparent à vider les lieux, mais demandent que leurs amarantes soient sauvegardées. Mireille Kanyang. Arrivé au quartier Sokarti, l'on voit des gens en train de démolir certaines de leurs constructions. Les occupants sont encore là l'avant-midi de ce mardi. Pour d'autres, plus personne. Il n'y a ni porte ni fenêtre. Pour d'autres encore, ils ont sorti leurs objets pour se préparer au départ, bien qu'ils disent qu'ils n'ont pas où aller. Nous sommes en train de démolir ce que nous avons nous-mêmes construit, laisse entendre un des hommes que nous y avons trouvé. Il y a des gens qui rassemblent encore leurs objets. À la fin de cette semaine, on aura terminé. Nous ne sommes pas contre cette mesure. Que le gouvernement nous aide afin que l'on parte à la fin de la semaine. Certains cherchent encore le matériel ayant aidé à la construction. Pour cette femme, la soixantaine, elle dit n'avoir pas eu de moyens pour construire à Maramvia. Elle aurait souhaité avoir des tôles. À Maramvia, certains d'entre nous n'ont pas eu de terrain. Comment y vivre alors que tu ne peux même pas avoir de légumes de 100 francs? On te donne un emplacement vide, sans tôle, sans tente. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a rien, même ceux qui ont eu des places ont aussi des problèmes. J'aurais aimé qu'on me donne de tôle, là j'aurais pu construire petit à petit. Lorsque nous sommes arrivés dans ce quartier, l'avant-midi de ce mardi, certaines familles déménageaient déjà. Pour d'autres qui étaient encore dans ce quartier, ils voudraient que leurs amarantes arrivent à terme. La situation se présente ainsi au moment où le 30 de ce mois, c'est-à-dire ce mercredi, c'est la date butoir lancée par le ministre des Infrastructures pour que les occupants vident les lieux en vue des logements sociaux. Les propriétaires de parcelles situées près de la station d'épuration des eaux usées de Boutelele en mairie de Bujumbura n'ont plus le droit de bâtir à cet endroit. Propos du ministre Dieudonné Dukundane en charge des infrastructures, il répondait aux questions des sénateurs ce mardi à Gitega. Le ministre Dukundane précise que les lois n'autorisent pas à toute personne de construire comme il veut et sans permission. Suivez-le, il est traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Quand tu arrives à Boutelele, tu ne peux pas comprendre pourquoi les gens viennent construire dans un endroit où il y a la saleté. Et ceux qui habitent le savent, bien que pendant la nuit, il y a un dégagement des mauvaises odeurs. Et si tu les interdis, ils te disent qu'ils ont des autorisations de bâtir. Le pays et ses dirigeants font le choix pour autoriser aux gens de vivre dans un endroit qui peuvent causer des maladies ou pas. Car demain, ce sont des dépenses pour aller se faire soigner en Inde ou au Kenya. La nouvelle politique de logement permettra aux gens d'avoir d'autres chances. Nous avons échangé avec mon collègue de l'intérieur pour que les autorités à la base nous aident. Ces maisons, des fois, sont construites pendant la soirée, même là à Gitega, ça se fait souvent. L'article 100 du code de cette nouvelle politique de logement précise que personne ne peut bâtir sans autorisation. Mais aujourd'hui, une personne se réveille le matin et fait ce qu'elle pense. Alors, ceux qui doivent faire respecter la loi, il faut qu'on se mette ensemble pour le respect de ces lois. Dans ce même livre, on a fixé des amendes payées par quelqu'un qui n'a pas respecté la loi et les conditions pour construire une maison. C'est entre 1 million et 10 millions et on exige la démolition. Mais aujourd'hui, si tu démolis, on te dit que tu n'es pas du gouvernement laborieux. C'est vrai, cette question de Boutelele, nous allons la prendre en main pour éviter que la santé de nos citoyens se détériore parce qu'ils habitent dans des endroits qui ne sont pas propres où les gens ne sont pas autorisés à y habiter. L'accès aux moyens de subsistance pour les personnes affectées par les déplacements forcés est une des solutions durables pour leur réintégration sociale. Déclaration du coordonnateur de l'organisation Secrétariat Régional pour les Solutions Durables. C'était ce lundi au cours d'une exposition photo sur ce thème. Thibaut Van Damme estimait que les problématiques liées à l'accès des terres restent cependant un des défis pour la promotion des moyens de subsistance et pour ces personnes touchées par ces déplacements forcés. Suivez-les. Alors, l'accès aux moyens de subsistance, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça permet aux personnes affectées par le déplacement forcé de se réintégrer de manière socio-économique dans la société. C'est un facteur extrêmement important pour leur permettre d'avoir une vie décente. Par exemple, dans le cas des personnes rapatriées, on a souvent tendance à s'arrêter à leur phase de retour au Burundi Donc on estime que dès qu'ils ont reçu le soutien à leur retour au Burundi, qui est sur une durée extrêmement limitée, que la solution durable est atteinte. C'est pas le cas. Le retour, c'est une première phase. Et quand on parle de réintégration, c'est un processus qui est beaucoup plus long, qui s'inscrit dans la durée. C'est un processus de développement et qui passe à la fois par une réintégration sociale, c'est-à-dire un accueil dans les provinces où ils reviennent, un bon contact avec les communautés hôtes et aussi un développement économique qui permet à ces personnes d'être autosuffisantes et de subvenir à leurs propres besoins. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en évidence dans l'exposition photo aujourd'hui. On a voulu montrer les activités des différentes ONG membres du REDS dans ce domaine-là. On a des activités de développement des compétences, on a des activités d'argent pour travail, donc cash for work, comme on appelle. On a des activités d'accès à l'éducation aussi. En fait, tous différents paramètres qui vont permettre à ces personnes de se réintégrer dans la vie active à la suite de leur retour. En termes de défis, on peut souligner par exemple les problématiques liées à l'accès à la terre. Quand les personnes reviennent au Burundi, c'est pas donné qu'ils vont récupérer les terres qu'ils ont abandonnées. Isanganiro. Sylvestre Nsaguye, qui occupait le poste de secrétaire permanent en commune, a été nommé ce mardi administrateur communal ad intérim de Kayanza. Entre autres projets jugés phares, lui laissé par son prédécesseur, il y a l'équipement des établissements scolaires à 1000 bancs pupitres, la construction du centre de santé Marouli et celle de l'école fondamentale Guitoua. Gilbert Nyan, lui, administrateur sortant, a été suspendu de ses fonctions ce lundi par l'ordonnance ministérielle, accusé de la mauvaise gestion des deniers publics, l'insubordination et le manque d'encadrement de la population. Le ministre de l'Intérieur peut prendre une mesure portant suspension d'un administrateur communal défaillant. En cas de manquement grave, la loi communale du Burundi prévoit que le conseil communal organise une session extraordinaire en vue de statuer sur un vote de défiance. Le procès verbal irrelatif est transmis au ministre pour une éventuelle mesure de suspension. Quatre administrateurs communaux ont été suspendus de leurs fonctions au cours de ce mois d'août. Les manquements pouvant être reprochés à l'administrateur communal sont notamment liés au cas de détournement de fonds publics. Doreb Ingabide nous fait la lecture de quelques dispositions de la loi communale. Dans cette loi du 19 février 2020 portant organisation de l'administration communale, il est prévu dans son article 19 que le mandat de l'administrateur communal prend fin à l'échéance du terme ou par décès. Il peut également y être mis fin dans les cas de corruption, incompétence, faute grave ou détournement des fonds. L'article 21 stipule qu'en cas de manquement grave de l'administrateur communal tel que prévu par la Constitution, deux tiers des membres du conseil communal convoquent une session extraordinaire du conseil communal en vue de statuer sur un vote de défiance de l'administrateur communal. Ce vote de défiance est pris par deux tiers des membres du conseil communal physiquement présents, comme le stipule l'article 22 de cette loi. L'article 23 précise que le procès verbal est transmis au gouverneur de la province qui saisit le ministre ayant l'administration du territoire dans ses attributions pour une éventuelle mesure de suspension. Les administrateurs des communes Mukaza en mairie de Bujumbura, Busoni en province Kirundo et Kayanza en province Kayanza ont été suspendus de leurs fonctions ce 28 août de cette année. Dans une ordonnance du ministère de l'Intérieur, celui de Mukaza est accusé de manque de suivi de la commercialisation des produits de première nécessité destinés à la population de sa circonscription. Celui de la commune Kayanza se manifeste, selon cette ordonnance, par l'insubordination, la mauvaise gestion des deniers publics et le manque d'encadrement de la population. Le 10 août de ce mois, l'administrateur de la commune Mevaï, en province Chibitoke, a également été suspendu de ses fonctions pour faiblesse notoire dans l'encadrement de la population, le sabotage économique et l'insubordination. Depuis 2021, 21 administrateurs communaux ont été suspendus de leurs fonctions. Je vous le disais en titre, un grand nombre de détenus est une perte et pour le pays et pour leur famille. Prosper Bazombanza, le vice-président de la République, l'a dit ce mardi à Rumonge lors de la célébration de la Journée internationale des détenus, baptisée Mandela Day. Selon lui, chacun devrait respecter la loi pour barrer le chemin qui mène vers la prison. Le point avec Jean-Pierre Missago. sur 12 000 détenus des 11 prisons centrales et 3 centres de rééducation des enfants en conflit avec la loi que compte le Burundi, 53,89% ont un âge compris entre 16 et 36 ans, donc des gens qui devraient servir dans le développement du pays, selon Domine Banyangimbona, ministre de la Justice. Il s'agit selon elle d'une grande perte pour leur famille, pour eux-mêmes et partant pour le pays, obligés de les prendre en charge alors qu'ils ne contribuent à rien dans le développement du pays. Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, abondant dans le même sens et chiffre à l'appui, démontre que le pays qui a par exemple prévu plus de 14 milliards de francs burundais dans ce secteur pour l'année budgétaire en cours perd énormément de l'argent qui pouvait servir dans d'autres secteurs comme l'éducation, l'agriculture et l'élevage, la santé et bien d'autres secteurs. Que ce soit le ministre de la Justice, que ce soit le vice-président de la République du Burundi, tous appellent au respect de la loi, privilégier les travaux d'intérêt public et ne recourir à la détention que s'il n'y a aucune autre voie. À l'occasion de la célébration de la journée internationale du détenu, baptisé Mandela Day, le procureur général de la République a libéré provisoirement 31 détenus. Parmi eux, 10 dont l'identification était déjà terminée ont eu immédiatement leur billet de sortie et l'identification devrait se poursuivre, a déclaré le procureur général de la République. Jean-Pierre Misago, depuis la prison centrale de Rumonge, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. La toux n'est pas une maladie, elle est plutôt un signe provoqué par d'autres maladies au niveau de l'organisme. Le pneumologue et pneumopédiatre François Ndikumwenayo précise qu'elle ne doit pas être négligée car elle peut entraîner des conséquences néfastes. La consommation des solutions à base des plantes médicinales n'est pas la solution car il faut d'abord chercher à connaître les causes de la toux. Francine Diokugayo. On vous avait parlé de la toux qui est considérée comme un signe de maladie dans l'organisme humain. Le traitement varie en fonction de son origine, comme l'a indiqué le pneumologue et pneumopédiatre François Ndikumwenayo. La toux peut prendre différentes formes. La toux est aiguë quand elle dure moins de 3 semaines. Elle est trémante quand elle dure entre 3, 4 à 8 semaines. Elle est chronique quand elle dure au-delà de 8 semaines. La maladie peut ne pas être chronique alors que la toux persiste parce que durant cette période d'évolution de la maladie, le patient n'a jamais eu son traitement. C'est pas parce que la toux est aiguë que la maladie n'est pas chronique. Tout dépend de la cause de cette toux. C'est-à-dire que vous pouvez la qualifier de toux aiguë parce que c'est au moment où le patient tousse et consulte. Et à ce moment-là, la pathologie causale peut être une maladie chronique. La toux est sèche quand dans les voies respiratoires, il n'y a pas de sécrétion expectorée. Le grave, c'est quand la toux traduit une maladie, qui est une maladie voie respiratoire, et c'est dans cette maladie il y a la production des sécrétions dans les voies respiratoires. Les complications de la toux peuvent être parfois graves. Le docteur Ndikumwenayo explique. En fonction de la sévérité de la toux, qu'elle soit aiguë ou chronique, ça peut avoir un retentissement sur le mode de vie. Prenons un exemple dans enfant. Quand un enfant tousse et que respire mal, il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à manger. Et à ce moment, il reste fatigué et c'est un problème au niveau du foyer. De même, chez un adulte, c'est une toux insomniante, c'est-à-dire qu'il empêche de dormir, il ne pourra pas du tout se concentrer pour faire les activités du jour. Les autres complications peuvent exister si ce sont des complications le plus souvent liées à la maladie. Par exemple, quelqu'un tousse parce qu'il a une tuberculose. Mais ne se précipite pas, se faire consulter, se faire soigner. Et puis, entre-temps, la tuberculose est en train d'évoluer, tenter de détruire les poumons. Et puis, avec le temps, le patient va commencer à avoir des expectorats, des sécrétions. La toux devient improductif et parfois, il peut arriver que ça s'ajoute de l'hémoptysie, c'est-à-dire au crachat sanglant. certaines personnes font recours aux nombreux remèdes naturels croyant soigner la toux. Des kizirans coupés, des oignons rouges, blancs, tout consort, du miel. Ce n'est pas parce que vous prenez ça que vous pensez soigner la toux. Mais la question n'est pas de soigner la toux, c'est de soigner la maladie qui cause cette toux. Quelqu'un peut avoir pris ces produits et qu'un jour il se voit que sa toux s'arrête après avoir pris ces solutions et croit que et il se met à divulguer que c'est bien, c'est un traitement miracle de la toux. Alors que dans les étiologies de la toux, il y a des toux aiguës qui connaissent une guérison spontanée, notamment les toux d'origine virale. Alors la prise de ces solutions peut être concomitante d'une guérison spontanée. Mais à la prochaine épisode, elle peut avoir même la toux à nouveau et tenter à prendre les mêmes produits. Les mêmes solutions n'arrivent pas à le soigner alors que le patient tousse. Pour le pneumologue et pneumopédiatre François Ndikumwenayo, il ne faut jamais négliger la toux, car il s'agit d'un signe d'alerte qu'il faut documenter pour ainsi traiter correctement le patient. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour la collaboration technique et gardez l'écoute. Nos programmes continuent sur Isanganiro.